rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Révolution Urbaine. Révolution urbaine, ça y est, c'est parti. Coup d'envoi, une nouvelle semaine dans Planète Rap. Comment ça va, messieurs? Ça va, on est là, on est là. Eh ben, bienvenue pour passer une semaine et surtout faire découvrir cet album qui sort dans 7 jours. Charles. C'est ça, le 5 mai. Lundi prochain, mais je crois qu'on peut le précommander. C'est ça. Tout de suite. Sur iTunes. Tout de suite. Ils n'ont pas d'excuses. On peut aller cliquer pour récupérer Révolution urbaine. L'album s'appelle Cheval de Troie. C'est ça. Bon, est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes content du boulot? Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous êtes détendu? Ouais, je pense que c'est notre apogée à notre échelle. C'est notre apogée. Révolution urbaine, Cheval de Troie, c'est la conclusion ou surtout la synthèse de nos 8 ans de carrière, nos 8 ans de rap. Bah oui, parce que mine de rien, ça fait 8 ans, je voulais qu'on parle un petit peu de cet historique, mais voilà, à l'origine, donc, on va aussi rappeler que vous êtes 4 dans le groupe. C'est ça. Avec le DJ, la Mèche qui est là, avec Mèche-tain qui est là, Zino, Brigante, Machiavel, c'est les MC du groupe de Révolution urbaine. Yes. Et que l'histoire commence où alors il y a 8 ans? Alors l'histoire elle commence dans une association de quartier qui s'appelle le Mille Pattes.